L'on souffre dans l'état, les chiromanciens et les devins, ceux qui font l'horoscope et qui tirent la figure, ceux qui connaissent le passé par le mouvement du sas, ceux qui font voir dans un miroir ou dans un vase d'eau la claire vérité. Et ces gens sont en effet de quelque usage. Ils prédisent aux hommes qu'ils feront fortune, aux filles qu'elles épouseront leurs amants, consolent les enfants dont les pères ne meurent point, et charment l'inquiétude des jeunes femmes qui ont de vieux maris. Ils trompent enfin, à très vil prix, ceux qui cherchent à être trompés. L'on ne peut guère charger l'enfance de la connaissance de trop de langues. Il me semble que l'on devrait mettre toute son application à la n'instruire. Elles sont utiles à toutes les conditions des hommes, et elles leur ouvrent également l'entrée ou à une profonde ou à une facile et agréable érudition. Si l'on remet cette étude si pénible à un âge un peu plus avancé et qu'on appelle la jeunesse, où l'on n'a pas la force de l'embrasser par choix, où l'on n'a pas celle d'y persévérer. Et si l'on y persévère, c'est consumer à la recherche des langues le même temps qui est consacré à l'usage que l'on en doit faire. C'est borner à la science des mots un âge qui veut déjà aller plus loin et qui demande des choses. C'est au moins avoir perdu les premières et les plus belles années de sa vie. Un si grand fond ne se peut bien faire que lorsque tout s'imprime dans l'âme naturellement et profondément, que la mémoire est neuve, prompte et fidèle, que l'esprit et le cœur sont encore vides de passion, de soucis et de désirs, et que l'on détermine à de longs travaux par ceux de qui l'on dépend. Je suis persuadé que le petit nombre d'habiles ou le grand nombre de gens superficiels vient de l'oubli de cette pratique.